Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1878. Ça sent encore la poudre à Paris. L'influent écrivain et critique d'art Maxime Ducamp, grand ami de Gustave Flaubert, vient de publier un pavé en 4 volumes qui règle ses comptes avec les communards. Citoyennes, citoyens, que les espions de Versailles qui rôdent autour de nos murs aillent dire à leur maître quelle vibration sort de nos poitrines. Dans ce livre, Les convulsions de Paris, Ducamp s'en prend avec virulence au peintre Gustave Courbet qui est mort en exil l'année dernière. Courbet a été un acteur notoire de l'insurrection populaire de la Commune il y a 7 ans, en 1871. Pour Ducamp, il fait partie de cette multitude indisciplinée, de ces énergumènes avinés, dont le Sacré-Cœur, en cours de construction, est censé expier les péchés. Courbet était déjà jugé moralement scandaleux depuis son tableau « Les Demoiselles de bord de Seine » il y a une vingtaine d'années. Champfleury. Décidément, Courbet ne comprend rien aux femmes. Castagnari s'écrie. C'est une double insulte à Paris et au peuple. Il faut voir les demoiselles de la Seine par opposition aux demoiselles de village. Celles-ci sont vertueuses, celles-là sont vouées au vice. Mais là, dans son livre, Maxime Ducamp fait allusion à une toile qu'on n'a encore jamais vue. Je le cite. Un petit tableau caché sous un voile vert dans le cabinet de toilette d'un musulman qui paye ses fantaisies au poids d'or. Et ce tableau serait une abjection. Mais pourquoi plus que d'autres reproductions érotiques tolérées sous le Second Empire ? Réponse avec l'historien de l'art Thomas Schlesser. Entre 1851 et 1870, la peinture, elle est volontiers érotique. Très souvent, on voit des Vénus qui sortent de l'eau, qui se cambrent, qui sont une allusion à l'orgasme. Et d'ailleurs, c'est une peinture qui est très intéressante, qui a souvent été méprisée, mais qui est très intéressante. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que ce n'est jamais une peinture qui va venir frontalement décrire ce qu'est la sexualité, et même médicalement décrire ce qu'est la sexualité. L'origine du monde, c'est un cadrage sur un sexe de femme, également un petit peu son ventre et ses cuisses ouvertes, et avec un point de vue en plongée véritablement sur la vulve, et c'est montré d'une manière qui est réaliste, naturaliste, c'est-à-dire sans concession pour l'imagination ou pour la suggestion, non, c'est véritablement très présent, avec, après, il faut bien le dire, une touche, un velouté, un sens de l'incarnation absolument exceptionnel. Dans l'origine du monde, il n'y a ni prétexte du mythe, ni prétexte du voyage, il n'y a même pas de portrait. C'est simplement un sexe. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se rattacher à une identité. Alors on peut toujours dire c'est une allégorie, c'est un mythe en soi, enfin il faut bien imaginer à l'époque ce que cela supposait comme charge corrosive. D'autant que pendant le Second Empire, il y a des photographes qui font des photographies pornographiques de ce type. Par exemple, on en connaît un qui s'appelle Belloc, et on sait que Courbet avait des photographies de lui. Et quand quelqu'un comme Belloc se fait attraper par la police, c'est la prison. Donc une toile comme celle-là, je ne vais pas dire que Courbet serait allé en prison si on l'avait vu peindre, mais on en est à la limite. Sur le corps, elle porte une bure pour cacher ses trésors absents. Sur le cœur, elle porte une tonsure comme on porte un Saint-Sacrement. La censure, la censure. Rares sont ceux qui ont pu voir cette origine du monde chez le diplomate turco-égyptien Khalil Bey. Mais sa réputation la précède comme une rumeur qui enfle. Ce qu'on voit dans le texte de Maxime Ducamp au sujet de Courbet, c'est que pour discréditer politiquement Courbet, pour discréditer les communards, il s'agit de projeter sur eux une obscénité morale. Et ça, c'est une stratégie qui est injuste, qui est d'ailleurs assez hypocrite, parce que Maxime Ducamp lui-même était quelqu'un qui, sur le plan des mœurs, on le sait par ses voyages en Orient avec Gustave Flaubert, était plutôt libéré. Donc c'est une stratégie hypocrite, redoutable. On sait à quel point, en jouant sur l'image des mœurs de quelqu'un, on peut réussir à discréditer son image politique. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire un siècle et demi plus tard, c'est que l'écrivain et critique d'art Maxime Ducamp n'a pas été si choqué que ça par la vision de l'origine du monde. Il a surtout senti un coup politique à jouer, un coup fumant, écrira Jean-Paul Sartre. Courbet, c'est l'image, une des images du courant libertaire, anarchiste, du socialisme, au sens du socialisme rouge des années 1850-1860. Après la Commune, il y a un retour à l'ordre, quand bien même il s'agit d'une république, parce que on nous redoute une nouvelle révolution. Par conséquent, il s'agit d'humilier les révolutionnaires. On les a envoyés au bagne, on les a exécutés, on les a fait exiler, on a construit un monument qui est un crachat à leur visage, le Sacré-Cœur. Donc l'enjeu politique, quand on discrédite Courbet, ça signifie, vous voyez, tous ces révolutionnaires et ces idéalistes qui voulaient un monde de fraternité et d'harmonie, ce sont des salauds. Drapé dans son hypocrisie, Maxime Ducamp fera de l'origine du monde la preuve que l'obscénité esthétique de la toile est liée à l'obscénité politique de son auteur. Une nouveauté stratégique, c'est la naissance du révolutionnaire pervers. Are you listening, my little mouse? Do you hear me, my little mouse man? Do you hear me, little cock? Il se trouve que la dimension perverse, je dirais un peu rusée de Courbet, pour discréditer son image, a été lourdement menée, notamment par les caricaturistes tout au long des années 70. Vraiment une opération de délégitimation. Néanmoins, c'était plutôt l'idée d'un Courbet agité, fou et un peu idiot, paysan, qui a servi cette cause. L'idée du pornographe, absolument pas. Ça, c'est véritablement une singularité chez Maxime Ducamp. Et j'ajouterai la chose suivante, c'est que comme chez Maxime Ducamp, tout est en creux, comme on ne voit rien, le récit ne va pas tout à fait prendre. Et c'est ça qui est très beau, c'est très révélateur du destin de l'origine du monde, c'est un scandale en sourdine. Retrouvé et même dissimulé pendant 30 ans chez le psychanalyste Jacques Lacan, l'origine du monde de Courbet est un mythe qui ne sera pas dévoilé au public pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, la toile installée au musée d'Orsay a son gardien particulier. Elle est la Joconde du refoulé. Mais aussi, comme après la Commune, un radar à hypocrites. Les derniers à s'être fait détecter, les robots censeurs de Facebook.